Je voudrais faire une petite exhortation au peuple gabonais. Cette exhortation est pour le peuple gabonais. Je voudrais vous dire, je veux m'adresser en premier aux serviteurs et servantes de Dieu du Gabon. Bien-aimés, si vous êtes honnête avec vous-même, si vraiment vous avez l'esprit de Dieu, si vraiment Dieu vous parle, je voudrais tout simplement vous dire que la situation au Gabon aujourd'hui, vous avez, nous avons, parce que je suis aussi enfant de Dieu, une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Le problème du Gabon, ce n'est pas les autorités. Parce que dans n'importe quelle région du monde, la manifestation naturelle dans une région n'est que le reflet de l'état spirituel de la région. La Bible dit, rien de ce qui est visible a été fait des choses visibles. La manifestation naturelle a une origine spirituelle. Quand le Saint-Esprit gère une région, dans le naturel, l'amour triomphe, le pardon, la vérité, la délivrance, la guérison, la paix. Et quand le diable gère une région, il y a les guerres, il y a les déchirures, il y a les crimes, il y a le vol, il y a le mensonge. L'état spirituel d'un pays dépend de celui qui gère le pays. Les êtres humains ne sont que des instruments. La Bible déclare, lorsque Satan est rentré dans Juda, c'est à ce moment-là que Juda a eu le désir de livrer Jésus. C'est quand Satan est rentré en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le diable est dans une région, lorsqu'il gère la région, la manifestation naturelle sera selon les désirs et selon les choix, les préférences du diable. En 1980, Dieu, qui aime les Gabonais, voyant ce que Satan avait projeté, ce qu'il avait programmé contre le Gabon, a suscité en 1980 un grand réveil. Dieu nous a donné la seule personne qui fait fuir le diable, il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu au Gabon. Il y a eu des signes, des miracles, de toutes sortes de révélations. La parole de Dieu était révélée, même des petits-enfants, tout le monde recevait le Saint-Esprit. Le plan de Dieu, voyant ce que Satan programmait faire au Gabon, Dieu qui aime les Gabonais a pris les devants. Il a envoyé le Saint-Esprit au Gabon en 1980 pour que des Gabonais armés du Saint-Esprit puissent contrer, détruire tout ce que Satan voulait faire au Gabon. Le réveil a commencé. Même tous qui sont dans des réseaux ésotériques pouvaient voir la puissance de Dieu qui se manifestait au Gabon. Quand le diable a vu que Dieu a envoyé le Saint-Esprit au Gabon, Satan s'est emparé d'Omar Bongo. Il a dit à Omar Bongo, il faut interdire les églises de réveil et les pentecôtistes au Gabon. Et tout le monde se souvient qu'Omar Bongo avait pris une décision d'interdire dans le territoire les églises de réveil. Mais en fait, la décision n'est pas venue d'Omar Bongo. Omar Bongo a été inspiré par le diable. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, pour régner dans une région, comme d'habitude, s'empare en premier des autorités. Parce que Satan sait que si tu contrôles la tête du pays, tu contrôles le reste. Parce que si vous versez l'eau à la tête, l'eau va descendre sur les épaules et descendre sur le reste du corps. C'est pourquoi dans tous les pays, Satan, pour régner dans un pays, il va d'abord s'emparer en premier des autorités. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où il contrôle les autorités, il pourra faire passer ses lois tranquillement. Et c'est pourquoi vous allez voir, dans tous les pays qui sont sous le contrôle des puissances démoniaques, on légalise tranquillement la pédophilie, on légalise tranquillement l'homosexualité, l'inceste n'est plus un choc, le crime devient comme un jeu. Regardez le taux, la croissance, la fréquence des crimes rituels au Gabon. Vous voyez à quel point les démons sont à l'aise. Mais Dieu, c'est pourquoi je répète que les hommes de Dieu ont une grande part de responsabilité dans la situation du Gabon aujourd'hui. Parce que Dieu qui a pris les devants en 1980, en suscitant au Gabon un puissant réveil, le but, c'était d'empêcher le diable de gérer le Gabon. Mais comment Satan a fait? Dans un premier temps, Satan a poussé Omar Bongo de prendre une décision pour empêcher les églises de réveil. Parce que Satan craignait les églises de réveil. Pourquoi? Parce que les églises de réveil ont le Saint-Esprit. Quand Satan a échoué de ce côté, il a poussé Omar Bongo à prendre des leaders des églises, à les nommer conseillers à la présidence. C'est à ce moment-là qu'on a vu Francis Michel Badinga, conseiller, Franck, je crois sa fille s'appelait comment, Joktan, Mike Joktan, conseiller, Jules Ngoua, conseiller. Et c'était des leaders du réveil. Alors, il les a mis conseillers, à partir du moment où vous êtes conseiller, conseiller de quoi? Tout le monde sait que Omar Bongo n'a jamais donné sa vie à Jésus. Les ministres de la République ne se sont pas convertis, ils sont restés dans leur ésotérisme, dans la rose et la franc-maçonnerie. Mais eux étaient conseillers. Et grâce à leur position, ils avaient des voitures, ils avaient des grosses enveloppes, ils avaient un train de vie de ministre. Parce que et c'est comme ça qu'ils ont, c'est comme, je veux dire, c'est comme ça que Satan a eu l'œuvre de Dieu du Gabon. Je vous prends un exemple biblique. Un homme que vous connaissez bien, Jean-Baptiste. C'est Dieu qui a suscité cet homme. Parce que Gabriel a dit à Zacharie que ta femme sera enceinte. Il aura un enfant. Cet enfant s'appellera Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est suscité par Dieu. Cet homme, rempli du Saint-Esprit, prêchait l'évangile dans le désert. Des gens venaient le trouver. Toute la région était au courant qu'il y a quelqu'un dans le réveil qui prêche la parole de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas pharisien. Mais c'était quelqu'un de comme ça. Il mangeait le miel sauvage. Jean-Baptiste, il mangeait les sauterelles. Jean-Baptiste était habillé de peau de bête. Peau de bête. Mais il avait le feu de Dieu en lui. Il prêchait l'évangile dans le désert. Un jour, les gens sont venus dire à Jean-Baptiste qu'Hérode, le gouverneur, Hérode, le chef, est en train de prendre la femme, d'arracher la femme de son frère, de Philippe. Il est en train de prendre. Quand Jean-Baptiste a appris cela, Jean-Baptiste a quitté là où il était. Il est allé voir Hérode pour lui dire, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu n'as aucun droit, ce n'est pas parce que c'est toi le grand chef. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est la femme de ton frère, ce n'est pas ta femme. Tu n'as pas le droit. Jean-Baptiste, Hérode, dans son orgueil, il s'est dit, mais attends, celui-là se prend pour qui? C'est moi le grand chef ici. Il a arrêté Jean-Baptiste, on l'a mis en prison. Vous connaissez tous l'histoire. Mais pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que Jean-Baptiste n'a pas dit, même si on m'informe que Hérode est en train de faire ce qui est mauvais, c'est pas mon affaire. Dieu ne m'a pas envoyé pour parler des choses des familles. Dieu ne m'a pas envoyé pour parler des choses de la politique. Dieu ne m'a pas envoyé de parler des choses qui se passent au quartier. Moi, je suis là pour prêcher juste l'évangile. Non, Jean-Baptiste est allé parler à Hérode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de Dieu doit prêcher la parole de Dieu et doit aussi avoir le courage que si Hérode est en train de déconner, d'aller lui dire les yeux dans les yeux, Hérode, ce que tu fais n'est pas bien. Et c'est ça qui nous manque au Gabon. Mais à partir du moment où Jean-Baptiste accepte le poste de conseiller d'Hérode et que Hérode lui donne des grosses voitures, de l'argent, mais Jean-Baptiste ne peut plus dire à Hérode quelque chose qui va faire mal à Hérode. Puisque Jean-Baptiste a envie de garder son train de vie. Puisque Jean-Baptiste ne veut pas perdre ses privilèges. Il sait que si je dis à Hérode ce qu'Hérode n'aime pas, je vais tout perdre. Je crains pour ma vie. Et Jean-Baptiste n'a pas craint pour sa vie. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche à faire triompher la vérité. Peu importe, même s'il doit mourir, c'est quelqu'un qui est pour la vérité. C'est quelqu'un qui ne ferme pas les yeux. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Hérode, tu es dans l'erreur, tu es dans l'erreur. Hérode, ce que tu fais n'est pas bien, c'est pas bien. C'est comme ça que Satan a eu les hommes de Dieu du Gabon, les leaders. Il a eu les hommes de Dieu du Gabon, alors que Dieu, en 1980, a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on se serve du Saint-Esprit pour contrer les œuvres du diable. Parce que Dieu lui voyait ce que Satan avait déjà programmé pour le Gabon. Et Dieu a pris les devants. Satan cherche à bloquer l'œuvre de Dieu par le décret pris par Omar Bongo à propos des églises de réveil. Satan a échoué. Deux, le diable passe par la séduction, le même Bongo qui avait interdit les églises de réveil, et puis du coup, il prend les leaders des églises comme conseillers. Ça, c'est les ruses du diable. Il les prend comme conseillers. Il leur fournit voiture, gros salaire et tout le reste. C'est comme ça que le diable a noyé le poisson dans l'eau. Mais les hommes de Dieu, avec ses privilèges, ils peuvent, jusqu'à ce jour, les Mike Joktan, jusqu'à ce jour, les Michel Badinga, les Gilles Ngoua, jusqu'à ce jour, aucun n'a jamais eu le courage de dire à Héro, ce que tu fais n'est pas bien. Aucun n'a jamais eu le courage. Ils sont assis sur les privilèges et c'est comme ça qu'on a vendu l'œuvre de Dieu. Donc, je veux dire que la situation du Gabon aujourd'hui, c'est parce que les hommes de Dieu n'ont pas joué leur rôle. Les hommes de Dieu n'ont pas fait ce que Jésus attendait d'eux. Les hommes de Dieu ont été corrompus par l'argent, par les privilèges, les gros 4x4, les grosses enveloppes et tout. Alors que le même Satan qui avait poussé Omar Bongo de prendre le décret pour empêcher les églises de réveil, Satan voyant qu'il a échoué, il pousse le même Omar Bongo de les prendre comme conseiller. Mais c'était un plan du diable. C'était pour noyer le poisson dans l'eau. Et c'est là où Satan a réussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, rien de ce qui est visible est fait des choses visibles. La situation physique du Gabon n'est que le reflet de la situation spirituelle du Gabon. C'est ce qui se passe. Et ce qu'on voit dans le Gabon naturel, c'est ce qui est fait et programmé dans le Gabon spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une région donnée, si dans cette région, le spirituel de la région est géré par le Saint-Esprit, dans le naturel de la région, l'amour, le pardon, la fidélité, le mensonge n'a plus de place. C'est-à-dire qu'on a les fruits de l'esprit. Mais si la région spirituellement est gérée par les puissances des ténèbres, cela se manifeste dans le naturel. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les crimes rituels du Gabon. Si vous allez sur Google, vous tapez crime rituel, vous ne marquez pas le Gabon, vous tapez seulement crime rituel sur la barre d'adresse Google, vous faites OK, le Gabon sort tout de suite parmi les pays où les crimes rituels se passent. Vous vous rendez compte à quel point Satan a plombé le pays? Donc, si Dieu nous avait donné le Saint-Esprit en 1980, c'est parce que Dieu ne voulait pas que Satan fasse du Gabon ce qu'il fait du Gabon aujourd'hui. C'est pourquoi. Mais donc, quelque part, on n'a pas joué, on n'a pas été fidèle. On a déçu le Seigneur parce qu'on s'est contenté de prêcher la parole et on n'a pas eu le courage comme Jean-Baptiste de dire à Hérode, ce que tu fais n'est pas bien. Hérode, arrête les crimes rituels. Hérode, arrête les détournements. Hérode, on n'a pas fait ça. Et comme on n'a pas eu le courage de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On convoque des grandes conférences de prière. Mais non, je suis désolé. Jean-Baptiste n'a pas dit, OK, je suis au courant. On m'a informé de ce qu'Hérode fait. Bien aimé, venez me trouver. On va faire une veille de prière. Oh Seigneur, regarde ce que Jean-Baptiste fait. Oh Seigneur, pousse Jean-Baptiste que d'abandonner sa femme. Non, parce que Jean-Baptiste savait qu'il faut bien prêcher la parole et avoir aussi le courage de dire la vérité. Peu importe, même si cet homme doit me couper le cou, mais je suis avant tout serviteur de Dieu. Je ne vis pas grâce à Hérode. Voilà, c'est Dieu qui me fait vivre et c'est Dieu qui m'a suscité. C'est lui qui m'a établi serviteur de Dieu. Donc, j'obéis à Dieu. Et comme mon Dieu, c'est le Dieu de la vérité, je suis le canal par lequel il passe pour faire triompher la vérité. Donc, moi, qui que tu sois, que tu sois un villageois, que tu sois héros, si tu fais ce qui est mauvais, moi, je parlerai parce que je ne vis pas grâce à toi. Mais, puisqu'ils ont eu, Satan les a eus par les privilèges, alors c'est comme ça que Satan est rentré au Gabon. Et comme Jean-Baptiste du Gabon, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu du Gabon remplis du Saint-Esprit, voulaient garder les privilèges, ils ne pouvaient plus dire à Hérode ce que tu fais est mauvais, parce qu'ils risquent de perdre les privilèges. Et c'est comme ça que le Gabon a plombé. Donc, la situation du Gabon aujourd'hui n'est que la situation du Gabon spirituel. Le désordre, les crimes rituels, tout ce que vous voyez dans le Gabon naturel, est géré à partir du Gabon spirituel. Donc, si nous voulons un changement au Gabon, il faudrait qu'il y ait des soldats rempli du Saint-Esprit, pour aller casser la baraque, pour aller casser le planning de Satan sur le Gabon spirituel. Il faut le détruire là-bas, d'accord? Mais il faut aussi avoir le courage dans le Gabon naturel, d'aller dire, d'aller parler, de prendre le micro, même si vous ne pouvez pas aller dans une station de radio, mais de dire au moins la vérité dans vos églises. Prenez le micro dans vos églises. Voilà, je suis au courant qu'Hérode fait telle ou telle chose, c'est pas de Dieu. Vous pouvez aller l'informer. Moi, je dis ça. Voilà, c'est ça. Mais les gens ont continué à caresser les autorités. On cherche à avoir des bons liens avec les autorités. Mais ce que vous oubliez, les autorités sont dans des loges ésotériques. Et comme les autorités sont dans des loges, donc ils sont gérés par les puissances des loges. Or, les puissances des loges, c'est les puissances gérées par Satan. Donc, quand vous cherchez à caresser les autorités, à avoir des bons liens avec les autorités, ça veut dire que vous cherchez à avoir des bons rapports avec les autorités qui sont sous le contrôle des puissances des ténèbres. Mais Satan ne peut que se réjouir. Satan ne peut que se réjouir. Parce que pour casser le diable au Gabon, il faut annoncer la parole de Dieu, il faut prier, et il faut avoir le courage de dire tel, ce que tu fais n'est pas bien, même si c'est le grand chef. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. C'est ce qu'on appelle homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu ne craint pas pour sa vie. Un véritable Dieu ne regarde pas les risques. Un véritable homme de Dieu ne dit pas, mon Dieu, si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, Jean-Baptiste savait qu'Hérode a le pouvoir de le couper le cou. Mais lui n'a pas regardé les risques. La seule chose qui intéressait Jean-Baptiste, c'est la volonté de Dieu. Jean-Baptiste n'avait qu'une seule pensée, plaire à celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi, qui que tu sois, il pouvait te dire la vérité. Mais les hommes du Dieu du Gabon, Satan a utilisé Omar Bongo pour empêcher le réveil, parce que Satan a vu, merde, le Saint-Esprit risque de m'embêter. Donc, il pousse Omar Bongo de prendre un décret pour interdire les églises de réveil au Gabon. Satan a échoué. Lorsqu'il a vu qu'il a échoué, il a dit, bon, je crois que je peux les avoir par l'argent. Il pousse Omar Bongo à vous prendre comme conseiller. C'est là où le diable a triomphé. Il faut conseiller de qui? Puisque Omar Bongo n'a jamais donné sa vie à Jésus. Il est resté musulman, païen, rosicrucien, franc-maçon, tout ce que vous voulez. Donc un élément géré par les puissances des ténèbres. Mais vous cherchez à avoir des bons rapports avec eux. Des bons rapports avec qui? Avec des personnes qui sont gérées par les puissances mystiques. Vous voulez des bons rapports. Et c'est comme ça que le diable est rentré au Gabon. Et quand le diable rentre dans une région, il y a les manifestations physiques, le crime, l'inceste, l'homosexualité. Les gens adhèrent dans des trucs ésotériques beaucoup plus facilement. Donner son âme au diable est à la mode. La perversion est partout. La violence se manifeste à tous les niveaux. Ça, c'est le résultat de ce qui se passe spirituellement. Et ce que vous allez remarquer, la Bible dit que c'est lorsque Satan est rentré dans Judas que Judas a eu tout de suite l'envie de livrer Jésus. C'est quand Satan est rentré en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les puissances des ténèbres sont dans un pays, peu importe la personne, à un moment donné, le diable peut rentrer sur toi, toi qui es gentil, toi qui es connu de tout le monde comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un de gentil, mais Satan à un moment donné peut rentrer sur toi et faire de toi en quelques secondes un criminel. Et les gens seront étonnés, attends, cette femme-là, pourtant elle est gentille, cet homme-là, qu'est-ce qui lui arrive? Non, parce qu'à un moment donné, c'est quand Satan est rentré dans Judas, que Judas est devenu une autre personne, il avait tout de suite, parce que le diable a pris le contrôle de Judas. Et quand le diable prend le contrôle, c'est jusqu'aux pensées. Tout de suite, Judas a lui, non, celui-là, il faut que je le livre, tout de suite. Donc, quand les démons, les divinités qui sont venus au Gabon parce qu'on a fait des crimes rituels, puisqu'ils sont au Gabon, ils peuvent faire de n'importe de quel Gabonais comme ils veulent, peuvent te transformer en un criminel en quelques fractions de seconde. Vous allez remarquer que Dieu avait dit à Moïse que vous ne verserez pas le sang dans le pays où je vous envoie. Et Dieu dit, parce que le sang souille le pays. Dieu a dit à Moïse, le sang souille le pays. Vous vous rendez compte du nombre de personnes égorgées au Gabon, à quel point le pays a été souillé. Et vous savez très bien que plus le pays est souillé, Dieu aime la sanctification, Satan est attiré par la souillure. Le diable sait que tant qu'on souille le pays par le sang humain, le pays est souillé. Et quand le pays est souillé, ça devient notre territoire à nous. Parce que Satan est attiré par la souillure. Donc plus il y a des crimes au Gabon, plus le Gabon ne fait que s'enfoncer dans la souillure. Et plus les puissances qui sont attirées par les souillures, c'est-à-dire les démons, les esprits impurs, viennent au Gabon. Et comme ils viennent au Gabon, en premier, ils vont premièrement, comme dans l'habitude du diable, s'emparer des autorités. Parce que le diable sait que pour imposer son dictat, sa loi dans une région, dans une ville, dans un pays, il a besoin de s'emparer de la tête, parce que c'est la tête qui prend des décisions. C'est alors que la tête va prendre des décisions, la tête va légaliser l'homosexualité, la tête va légaliser tout ce qui est mauvais. La violence va se manifester dans tous les sens. Parce que la tête est gérée par les puissances du mal. Et on verra cela dans le monde naturel, dans le pays. Et quand vous regardez la situation du Gabon, détournement, crime rituel, tel a tué tel, tel a poignardé, même dans les écoles, vous avez même des gens qui cherchent des petites filles pour payer leur virginité. Vous avez toute espèce de mal et personne n'est arrêté. Personne n'est arrêté. Donc ça veut dire que le diable est à l'aise sur le Gabon spirituel. Il est à l'aise, il gère les choses. C'est-à-dire que pour que le Gabon change aujourd'hui, la situation, c'est pas de « tel ne doit plus être là, toi ne sais pas ça ». La véritable délivrance du Gabon passe d'abord sur le Gabon spirituel. Il faut qu'on aille, qu'on ait le courage d'intercéder pour aller casser la baraque. Tout ce que Satan est en train de faire dans le Gabon spirituel, aller casser là-bas. Et dans le Gabon naturel, avoir le courage que si telle personne est au courant que c'est telle personne qui fait ça, c'est telle personne qui a envoyé telle personne pour aller tuer, de le dire, si on ne peut pas le dire à la télévision, peut-être parce qu'on n'a pas l'accès, mais de le dire dans nos églises, de condamner dans nos églises. Nous devons condamner dans nos églises. Nous devons prendre le micro et condamner tout ce qui est mauvais. Nous devons le faire. Jean-Baptiste n'a pas dit, écoute, Dieu m'a envoyé juste pour prêcher la parole. Moi, je m'en fous. Vous me mettez au courant de ce que Hérode fait. Ça ne me regarde pas. Hérode est libre de faire. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour les problèmes des familles des gens. Il prend la femme de son frère. Ça ne me regarde pas. Dieu ne m'a pas envoyé pour les problèmes de famille. Dieu ne m'a pas envoyé pour ce qui se passe au niveau de la politique. Dieu ne m'a pas envoyé pour parler de ce qui se passe au gouvernement. Moi, je ne suis pas un homme politique. Dieu m'a établi pour prêcher la parole. Non. Dieu t'a établi pour prêcher la parole. Dieu t'a aussi établi pour dire la vérité, pour défendre la vérité. Je dis bien défendre la vérité. Parce que le désir d'un vrai homme de Dieu, c'est de faire triompher la vérité. C'est de faire triompher la vérité. Jean-Baptiste n'a pas dit, vous m'informez de cet héros de fait. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Ça, c'est les histoires du quartier. Moi, je suis là que pour prêcher la parole. Il ne l'a pas dit. Il a quitté là où il était dans le désert. Allez voir l'héros, les yeux dans les yeux. Et lui dire, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu n'as pas le droit. C'est pas parce que tu es le chef que tu te permets de prendre la femme de ton frère. C'est pas bon. Aux yeux de Dieu, c'est pas bon. Mais Hérode n'a pas aimé, mais au moins... Même si Hérode l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais Jean-Baptiste était connu dans la région. Donc tout le peuple, toute la région savait que celui qui prêchait là-bas dans le désert, il n'est plus là-bas. Hérode l'a mis en prison. Et c'est sûr que les gens ont demandé, mais Hérode l'a mis en prison pourquoi? Parce qu'il est allé dire à Hérode que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. En quelque sorte, il est allé condamner l'adultère. Hérode voulait faire l'adultère, voulait tromper sa femme pour prendre la femme de son frère. Il est allé. Donc, les gens savaient que si Jean-Baptiste, je parle ici des gens qui avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils se sont dit, si Jean-Baptiste est allé mettre le doigt dans ça, donc ça veut dire, et puisque c'est un homme de Dieu, ça veut dire que Dieu déteste ça. Donc, ça veut dire que ce qui peut arriver à un homme de Dieu qui veut faire triompher la vérité aura un impact dans le pays. Donc, tout le monde savait que Hérode qu'on voyait dans le désert, il n'est plus là-bas, il est maintenant en prison, c'est parce qu'il est allé dire à Hérode que l'adultère c'est mauvais. Arracher la femme de l'autre c'est mauvais, c'est pour ça qu'il est en prison. Donc ceux qui avaient l'amour de Dieu, c'est ceux qui se sont dit, ah bon, si l'homme de Dieu est allé dire ça à Hérode, moi, ça veut dire que Dieu déteste ça, donc moi je ne ferai pas ça. Parce qu'on a la preuve que Dieu déteste ça, sinon l'homme de Dieu ne serait pas parti dire à Hérode que c'est mauvais. Donc ce qui peut arriver à un homme de Dieu qui veut faire triompher la vérité dans une région, dans un pays, dans une ville, aura un impact dans l'évangélisation. Ça aura un impact, ça va toucher les âmes, ça va toucher les gens. Regardez un peu lorsque Étienne a été sacrifié. Mais ça a touché quelqu'un comme l'apôtre Paul. C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver à un enfant de Dieu qui défend la vérité aura un impact dans la région, dans les cœurs des personnes qui ont la foi, des personnes qui ont l'amour de Dieu. Ça ne tombera pas par terre. Donc, je veux terminer en disant aux hommes de Dieu du Gabon que si vous voulez que ça change véritablement au Gabon, allons détruire les forteresses qui se sont installées dans le pays parce qu'on a soulevé le pays par les crimes rituels. Et ayons aussi le courage de dénoncer. Faisons comme Jean-Baptiste, avoir le courage de dénoncer. Ça aura un impact dans le pays. Parce que les hommes de Dieu, un véritable homme de Dieu ne craint pas pour sa vie. Un homme de Dieu ne dit pas, oh, moi je ne vais pas dire parce que moi je ne veux pas de problème. Oh, Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Jean-Baptiste était homme de Dieu. Donc je vous exhorte, frère, à être partisan de la vérité, de prêcher la parole. Ça ne sert à rien. Vous pouvez faire des grandes conférences de prière, vous pouvez le faire, mais si vous ne parlez pas, si vous ne dénoncez pas ce qui est mauvais, si vous ne dénoncez pas comme Jean-Baptiste a dénoncé, ça n'aura pas un impact. Jean-Baptiste savait que je dois prêcher la parole, je dois aussi faire triompher la vérité, peu importe la personne. Une fois que je suis au courant, que son nom soit héros, que son nom soit le petit voyou du quartier, à partir du moment où je suis au courant que ce que la personne fait est mauvais, que c'est quelque chose de grave, que c'est quelque chose qui risque d'avoir un impact dans la population, j'ai le devoir, il faut que j'aille lui dire la vérité afin que les gens sachent que ce qu'il est en train de faire n'est pas la volonté de Dieu et que je ne peux pas le laisser faire parce que c'est Dieu qui m'a établi. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas peur, il ne craint pas pour sa vie. Donc je vous exhorte, frère, c'est pas trop tard. Mobilisons-nous, prions et prenons, disons la vérité au micro. Même dans les églises, disons, c'est pas bien. Ce que tel, une fois que vous êtes au courant d'une information et qu'après enquête, c'est révélé que c'est telle personne. Prenez le micro, défendez la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Vous êtes des agents de Jésus. Vous êtes à son service. Défendez la vérité. Ne craignez pas pour vos vies. Défendez la vérité. Dites la vérité. La vérité doit venir de vous les hommes de Dieu. La vérité doit venir de vous. C'est vous les modèles. C'est vous le sel de la terre. La vérité doit venir de vous. La vérité ne vient pas du monde. Mais si vous ne parlez pas, si vous ne défendez pas la vérité, vous êtes quel genre d'homme de Dieu? Vous êtes quel genre d'homme de Dieu? Jean-Baptiste s'est levé pour défendre la vérité. Jean-Baptiste s'est levé pour défendre le droit. Il savait que le pauvre Philippe ne peut rien faire contre Hérode. Mais Jean-Baptiste a pris la part. Jean-Baptiste allait dire, Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de Philippe. Tu n'as pas droit. Donc, bien aimé, la situation du Gabon aujourd'hui, c'est parce que les hommes de Dieu ne sont pas restés fidèles au Seigneur Jésus. Lorsque le diable avait pris par Omar Bongo le décret pour interdire les églises de réveil, les hommes de Dieu étaient encore tirés, ils étaient encore en forme, battants, remplis du Saint-Esprit. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Ils ont intercédé des veillées de prière. Ils ont continué à prêcher la parole. Satan a dit, ok, ça ne marche pas. Je crois, maintenant il faut que j'utilise l'argent. Il a poussé Omar Bongo de vous nommer des grands conseillers, des grosses voitures, des grosses sommes d'argent. C'est là où Satan vous a vu. Il fallait refuser ça. Il fallait refuser ces privilèges. Parce que c'était un plan du diable. À partir du moment où Jean-Baptiste accepte d'être le poste qu'Hérode lui propose, Jean-Baptiste ne peut plus parler. Parce qu'il ne veut pas perdre ses privilèges. Il n'a pas envie de les perdre. Il ne peut plus dire ce qui est mauvais. Il va se contenter de prêcher la parole. Il ne sera plus capable de dénoncer le péché. Parce qu'il va dire, sinon Hérode risque de se fâcher là. Parce que si je dis ça, Hérode saura que en réalité je parle de lui. Hérode saura que c'est de lui que je parle. Donc, je préfère ne pas dénoncer ce péché. Sinon Hérode saura que c'est de lui que je parle. Et voilà, c'est ce qui est un peu au Gabon. Les hommes de Dieu ont préféré avoir les privilèges. Ils sont restés assis sur les privilèges. Aucun n'a eu le courage de dire à Hérode que ce que tu fais est mauvais. Il cherche à voir des. Mais Hérode est géré par la franc-maçonnerie. Que tous les ministres du gouvernement sont gérés par la franc-maçonnerie. Vous voulez avoir des bons rapports avec eux? Des bons rapports avec des gens qui sont gérés par les puissances des ténèbres? Mais dites-leur la vérité. Il ne s'agit pas de leur tourner le dos. Quand Jean-Baptiste est allé voir Hérode, c'était pour aller lui dire la vérité, pas pour aller lui demander de l'argent, pas pour aller lui demander des privilèges, mais pour aller lui dire, vous avez des relations avec des ministres, gloire à Dieu, mais prêchez la parole, dites la vérité. Dites la vérité. Ne craignez pas de perdre vos privilèges, parce qu'un homme de Dieu ne craint pas la mort. Un homme de Dieu ne craint pas sa vie, ni ne craint pas pour sa vie. Voilà. Donc, quel que soit ce qu'on peut faire au Gabon, le problème est spirituel. Parce que rien de ce qui est visible vient des choses visibles. La situation spirituelle du Gabon, on le voit dans le Gabon naturel. Il faut qu'on ait d'abord sur le plan spirituel changé les choses pour que sur le plan naturel, on puisse voir autre chose. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.